tosala biso bato nzambe na ntango ya suka. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui es capable de nous faire conjuguer les verbes inconnus, comme tu l'as fait avec ce paralytique devant le temple de la belle. Sans tout l'ensemble, y'a qu'à opérer sa macasse dans le sang, bon abisson.